L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschaine, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9383. Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain? Ou pour vos forfaits motoneige, Chalet Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière située à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou téléphonez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. On va parler de LCF et d'NCAA avec notre ami Hugues Fouché. Salut! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Hugues, avant de commencer, on ne fera pas la chronique là-dessus, mais c'est une anecdote vraiment intéressante, vraiment comique que je viens de lire sur Altitude Football. On va lui donner quand même le crédit. Hier, dans le match entre les Rams de Los Angeles et également la formation des Cards d'Arizona, Chris Traveller est venu en relève de Kyle Murray. Qui est Chris Traveller? C'est l'ancien carrière des Blue Bombers de Winnipeg. Il est arrivé, puis il connaissait quand même un match moyen. On va se le dire, là. Puis finalement, Boomer Esiason est allé dire, c'est pas la Ligue canadienne ici, puis c'est pas la Coupe Grey. Et évidemment, les gens au Canada ont été choqués par ça. c'est gratuit. Moi, je trouve ça gratuit. Je trouve ça gratuit. Ouais, ça manque de jugement. T'sais, il a probablement voulu être drôle, mais c'est un manque de jugement. Je l'ai manqué, ce bout-là. J'ai vu une bonne partie du match Cards-Rams, mais j'ai manqué cette déclaration-là parce que je l'aurais noté. Là. C'est un manque de respect. Puis en plus, ce que je trouve bizarre dans sa déclaration, c'est que le corps de l'autre bord, Wolfer vient de la ligne du Football League. Oui, c'est absolument. Et puis, en fait, c'est ça, le seul football professionnel qu'il a joué, c'est dans l'Alliance Football League. C'est un gars qui avait connu une belle carrière à Wake Forest, là, mais il a surtout, lui, il a eu la semaine au complet pour se préparer pour le match. Puis il a c'est pas gratuit. Été plus t'as-tu extraordinaire. T'as-tu déjà vu des carrières venir en relève à part Ryan Fitzpatrick, là, puis tout brisé? Tu sais, t'as pas non, eu de l'idée, t'as pas eu de pratique, t'as pas eu de... C'est très gratuit envers la SCF. Oui, habituellement, c'est rare, effectivement, qu'un corps s'amène, puis dès son premier match, là, il va tout brûler sur le terrain. D'habitude, c'est comme tu dis, parce que le gars n'a pas eu d'entraînement, il a pas pratiqué les jeux. Lui, il préparait la défensive à affronter l'offensive de l'autre équipe avec le playbook de l'équipe adverse. Fait que, t'sais, ouais. C'est sûr qu'il est pas prêt. Des fois, ça fonctionne, mais plus souvent qu'autrement, c'est assez moyen quand t'as un corps qui rentre comme ça. Comme tu dis, quand t'as un gars comme Fitzpatrick, parce que lui, de toute façon, il en a tellement vu. Oui, il a l'expérience. Donc lui, mais un gars qui a jamais embarqué sur un terrain de la NFL avec une équipe avec laquelle il a jamais joué. Il faut que tu penses que le système de jeu, il est pas fait pour lui. Le système de jeu, il est fait pour un corps qui court comme Kyler Murray. Fait que lui, il est pas dans la meilleure situation possible. Là. Puis Bush, il s'est pas mal débrouillé dans les circonstances, le gars. C'est juste que, contrairement à Wolford de l'autre bord, lui, il avait pas une semaine complète pour se préparer, tu sais. Non, regarde, c'est très, très, très, très... Hey, regarde, on commentera pas toute l'actualité, là, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, là. Oui. Donc, on va y aller avec les bons, on va s'en tenir, puis je pense que je vais faire une chronique avec Tony cette semaine, parce qu'il y a, il y a, il y a eu des matchs de plus. Donc, on va commencer avec ce qui s'est passé dans les bowls. On va commencer avec les deux bowls majeurs, les éliminatoires, oui, qui ont été décevants. Est-ce qu'il faut donner crédit à Ohio State, qui ont été quand même très surprenants? Puis, à juste titre, t'avais des bons propos quand tu disais « Moi, j'ai peur de la préparation, ils n'ont pas assez joué le match. » Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, oui, du tout. Et finalement, Justin Fields était en grande forme. Ils ont mis de la pression sur Trevor Lawrence. Et ainsi de suite. Écoute, oui, ils ont Field disait aujourd'hui, là, j'ai lu un article là-dessus qui disait qu'il avait juste changé quelques petites choses dans leur préparation par rapport à l'année passée. C'est quelques ajustements, puis ça a fonctionné durant tout le match. Mm. Écoute, c'est tout un match que Field a connu. Je veux juste highlighter deux choses là-dedans, là. C'est que le premier, c'est que Fields puis Trevor Lawrence, ils viennent du même endroit quasiment. Hein. Mmh. Ils ont grandi pas loin de l'autre. Texas, oui, on a oui. Écoute, c'est tellement... Oui, oui. C'est tellement drôle parce qu'effectivement, et on l'a vu dans le reportage, comment Fields a toujours été deuxième derrière Lawrence. Ça a toujours été ça. C'était le deuxième meilleur corps arrière à sortir des écoles secondaires derrière Lawrence, qui était le premier. C'est ce qu'il a pu choisir son université en premier. Lui, il était en deuxième. Lawrence, il est devenu partant à Clemson. Lui, il a fallu qu'il change d'université. Il a toujours été un peu en deuxième place. Puis là, je pense qu'il est rentré dans ce match-là avec le couteau entre les dents. Et puis, écoute, il a fait souffrir une défense de Venable, un des meilleurs coordonnateurs défensifs de Brett Venable, un des meilleurs coordonnateurs défensifs de la NCAA. Mm. Donc, personne ne fait ça des défenses, hein, de ce gars-là. Et puis, il a vraiment joué un gros match, toute l'équipe de Ohio State, mais il n'y a pas non plus tant que ça il y a des bons joueurs autour de lui, là, mais Sorbonne est un super bon porteur de ballon, mais il n'y a pas non plus là, les mêmes receveurs de passe, mettons, que Lawrence avait l'année passée avec T. Higgins, puis Justin Ross, puis tu sais, il n'y a pas ce talent-là autour. Il est vraiment été impressionnant. Je pense que, écoute, je sais pas si Ohio State va jouer un deuxième match d'affilée. Moi, je pense que c'est vraiment Ohio State qui a joué un grand match. Ils ont mis de la pression sur Lawrence, si... beaucoup de pression également. Ah, puis, Trevor Etienne, ce n'est un qu'on n'a pas vu beaucoup, ouais, dans ce match-là. C'est un petit peu décevant. Ouais. Hein? Il y a une saison décevante, Étienne. Oui, ouais, Étienne a été très, très décevant. Il faut dire que la ligne à l'attaque, elle, ouais, avait plein les bras aussi. Là. Souvent, la ligne, ouais, à l'attaque, ah, oui, quand on parle d'un bon demi, on oublie le travail de la ligne à l'attaque. Mais si ta, ouais, ligne à l'attaque puis, est... Hein? Oui, puis d'un bon corps arrière aussi. Puis dans ce match-là, en général, je pense que la ligne à l'attaque de Clemson, effectivement, s'est faite donner une raclée. Mais écoute... Moi, je m'attendais à ce que ce soit un match peut-être un peu plus serré. J'ai été surpris de voir, effectivement, de voir là, comment Ohio State s'est vraiment sauvé assez vite avec la victoire. Là. Mais, écoute, là, t'as-tu vu le ACC? Pas à ça. Le ACC n'a aucune victoire dans les bowls cette année. C'est quand même... Effectivement, hein? C'est quand même très, très surprenant. Je vais le sortir dans quelques instants, le record. Je l'ai vu tout à l'heure. Il n'a ici aucune victoire. Aucune victoire. Non. Leurs équipes se sont fait planter. Floride s'est fait massacrer par Oklahoma. Mm. Là, en fait, la seule victoire qu'ils ont eue, finalement, c'est Alabama qui a fini par. En fait, Mississippi State a gagné contre Tulsa. Puis Alabama a fini par... Alabama a gagné aussi, là, évidemment, contre Notre-Dame. Mais dans un match, ça aussi, ça a été une bonne demi... ça a été une bonne demi-finale aussi, mais ils sont forts, Alabama. Ça n'a pas de bon sens. Hein. Mm. On savait... Celui-là que tu as parlé, il a joué, oui, tout un match. Il devrait gagner le trophée Heisman, normalement, demain, je pense. Je pense que oui. Ouais. Hey, première oui, fois depuis Desmond oui. Howard. De Smith Howard, là, oui, avoir une chance de remporter la semaine. Il faut qu'il gagne, honnêtement. Je veux dire, sinon, ça devient un trophée uniquement de corps arrière. Si, si Devin Smith ne gagne pas cette année, Devontae Smith ne gagne pas cette année, honnêtement, je vois pas. Il a-tu été dominant dans ce match-là? Hein? C'est incroyable. Et, imagine-toi, en plus, Waddle était même pas là, qui est un autre receveur qui n'est pas aussi bon que Smith, mais pas loin. Là, il est bon pas mal lui aussi. Il était même pas là, puis je pense qu'il va être de retour, Waddle, contre... pour compliquer les choses contre Ohio State. Là, ça va en faire beaucoup à couvrir. Puis, comme je te disais la semaine passée, c'est que ce qui rend l'attaque d'Alabama spéciale cette année, c'est la présence aussi d'un porteur de ballon de vraiment de premier plan là, qui a joué. Oui, il a-tu été bon à Harris? Najee Harris? Il a-tu été bon, hein? Puis, écoute, c'est parce que les années passées, même si Harris était là, il était pas aussi bon. Il a vraiment franchi une étape cette année. Puis ça fait en sorte que là, tu peux pas défendre cette attaque par la passe-là puis Najee Harris en même temps. Il y a personne qui peut faire ça. Tu sais, c'est même dans le match, Ohio State sont vraiment forts, mais à un moment donné, comment tu fais pour défendre tout ce monde-là? Puis t'as un corps arrière qui est pas un talent générationnel, mais il prend des bonnes décisions, il fait pas d'erreur, puis il est quand même bon, là, tu sais, je veux dire, il est capable de lancer... des zones profondes, qui est capable d'attaquer défensive, c'est que honnêtement, si tu veux construire une attaque parfaite, ça serait pas loin de celle d'Alabama cette année, surtout si Waddle est là. En plus de Devontae Smith, en plus de Najee Harris, en plus de la ligne à l'attaque qu'ils ont, c'est que puis ils ont quand même une défensive aussi très talentueuse. Je continue avec Bama, mais écoute, ça va être un des bons matchs de l'année en général, là, y compris la NFL. Alabama, Ohio State, là, j'ai des grosses attentes moi, pour ce match-là. Je me demande si Justin Field pourrait faire la différence. Imagine-toi comment il va augmenter sa cote pour le repêchage s'il faut qu'il gagne le championnat. Ouais, ouais. Dis-moi, et puis lui qui n'avait pas connu une grosse année, donc j'avais même des doutes qui reculent même de ça. Finalement, ça aurait pu arriver qu'il recule. Finalement, ben. Absolument! Ouais. Absolument. Si ça peut faire chuter Zach Wilson au 15e rang, nous autres, on va être contents. Oui, effectivement. Georgia-Cincinnati, c'était tout un match. Tu l'avais prédit, puis ça a été tout un match également. Meilleur match de bowl. Écoute, je veux juste dire, cette défaite-là pour Cincinnati, c'est quasiment une victoire. Puis je vais te dire pourquoi. C'est que c'est souvent arrivé dans les matchs en des petites universités. On a déjà vu avec UCF, par exemple, qui avait planté Auburn deux trois ans là, quand Shaquille Griffin jouait là. Des fois, la grosse université se présente pas. Mais pas cette fois-là. Georgia, ils ont joué pour vrai. Ils se sont battus comme des fous pour gagner ce match-là. Puis ce qu'on a vu, c'est que même Georgia, à son meilleur, ils en ont eu plein les bras pour battre Cincinnati. Ça a tout pris, là. Puis ils ont presque été chanceux de le gagner ce match-là. C'est qu'on avait raison, Cincinnati, c'était vraiment une équipe qui aurait pu être en série. Ils étaient de ce calibre-là. Ils sont aussi bons que Georgia. C'est toute une année. Malheureusement, la plupart de leurs vétérans vont partir, puis c'est pas le genre d'université qui peut remplacer. Parce qu'ils trouveront pas des joueurs de cette équipe. Il y avait vraiment des joueurs fantastiques sur cette équipe-là. Ils vont pas les retrouver si facilement. La question que je te pose, là, c'est est-ce que leur corps arrière, Desmond Ridder... Il a pas déclaré qu'il revenait, lui? Je ne sais pas. Parce que je sais qu'il attend son premier enfant. Ça pourrait être un incitatif pour aller à la NFL. Du coup, ça ne serait pas un... T'sais, on parle pas d'un choix de première ronde, mais honnêtement, ce gars-là m'a tellement impressionné en fin de saison... que si moi j'étais le directeur gérant, je prendrais certainement un choix de mi-repêchage sur ce gars-là basé sur sa progression. C'est la meilleure façon de t'assurer qu'un gars va progresser dans la NFL, souvent c'est qu'il ait progressé en NCAA. C'est quelqu'un qui s'améliore puis qui travaille fort va avoir tendance à faire la même chose au prochain niveau. C'est un des facteurs que les dépisteurs regardent, ça. Et puis, écoute, encore dans ce match-là, il jouait contre la défense de Georgia, il en avait plein les bras, mais moi, j'ai beaucoup aimé qu'il a été discipliné, puis il a pas fait d'erreur dans les moments clés, puis il a quand même un bon bras. Écoute, donc c'est toute une équipe. Il y a plusieurs joueurs dans cette équipe-là là, qui qu'on va surveiller dans les prochains mois là, dans le processus du repêchage, mais ils nous ont donné un match. Là, c'est le meilleur bowl à date. C'est le meilleur bowl. Première fois également, l'Iowa qui a oui. remporté l'Iowa State qui a gagné son premier oui. bowl national, son premier bowl intéressant. Bravo également qui ont battu Oregon. Oui, puis leur coach Campbell qui commence à être nommé pour la NFL, c'est pas compliqué ce gars-là quand tu lui donnes une équipe. Il est encore très jeune, c'est un gars qui doit être dans la trentaine. Là. Et puis il a fait des miracles à Toledo dans le Mid-American Conference. Je me rappelle très bien de lui. Et puis finalement à Iowa State, c'est incroyable la job qu'il a fait. Fait que lui, soit qu'il va signer pour un très gros programme universitaire là, dans les prochains. Dans pas long, ou soit qu'il va aller à la NFL, mais ce gars-là, c'est vraiment, vraiment un bon coach de football, puis c'est incroyable ce qu'il a fait avec Iowa State, une super bonne équipe aussi, honnêtement, ils m'ont surpris toute l'année, puis ça aussi, c'est un bon match. OK, on va faire une pause, il nous reste des publicités oui. dans les fêtes, et on vient dans quelques instants, vous allez écouter de la rétrospective de la fin de semaine de la NCAA et de la NFL avec... ...mission de Météo GBL, profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 88-276-6102. Le temps des fêtes est un bon temps pour fraterniser avec les gens qu'on aime et l'équipe de Batterie Expert aimerait souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à ses clients et amis. Et les remercie de leur confiance durant l'année qui s'achève. Batterie Expert, au 356 8e Avenue à Dolbeau-Mistassini, au 418-979-7812. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. Avec Hugues Fouché du site internet leblitznfl.com. Hugues, on va passer à la NFL. Les Dolphins de Miami de notre ami Tony Guzzo sont éliminés. Oui. C'est décevant ça, pour la fin de semaine. Ça. Écoute, absolument. Et pas seulement, tu peux perdre un match dans ces circonstances-là, mais c'est parce qu'ils se sont vraiment fait massacrer. Là. Mm. Ils n'ont jamais été. Ils n'ont pas été compétitifs du tout. Ils ont donné 56 points. Là, je veux dire, Tua Tagovailoa mange une volée présentement là, dans de certains fans des Dolphins, mais tu sais, ils ont quand même donné 56 points dans ce match-là. Là. Mm. Tu peux pas blâmer juste le corps arrière dans ce temps-là. Mais c'est sûr que ça n'a pas été une grande performance de sa part. C'est un jeune, il faut lui laisser le temps. Mais je pense que toute l'équipe a mal joué. Là. C'est vraiment une mauvaise performance d'équipe. Comme je te dis, quand tu donnes 56 points, tu peux pas juste blâmer ton... t'es pas en position de juste blâmer ton corps arrière, faut que tu blâmes l'ensemble de l'équipe. Les Browns de Cleveland, première fois participation au Super Bowl, au match éliminatoire depuis 2002. Ça, c'est le fun. Oui, monsieur, mais est-ce qu'ils ont donné des sueurs froides à leurs fans? Écoute, ce converti double manqué à la fin... ça a été une fin dramatique. C'était vraiment le fun à regarder. Mais première fois depuis, c'est 2002, je pense? Oui, 2002. Hey, c'est incroyable, hein? Mm. Alors, on l'avait dit la semaine passée, quand Baker Mayfield est arrivé là, cette organisation-là, elle était pire que les Jets de New York. Mm. Une victoire en deux ans. Il était une victoire, 31 défaites les deux années précédentes. Mm. On parle de 2016, 2017. 2018, ils n'avaient pas gagné un match avec Tyrod Taylor, qui est quand même pas un mauvais corps, quand Mayfield a pris le relais. Il les a presque amenés en série. Ils ont fini l'année avec 7-8-1, ce qui était extraordinaire dans le cas des Browns. Connu une moins bonne saison l'année passée, là, il y a eu une mauvaise année, en fait. Mais là, cette année, il a repris son niveau. Puis honnêtement, là, faut lui donner du crédit parce que cette équipe-là, avant qu'il arrive là, elle est absolument nulle part. Donc, pour tous les haters, parce qu'il y en a beaucoup, là, moi, je pense que Mayfield fait un bon travail. Puis ils se sont trouvés un bon entraîneur en Stefanski. Je ne sais pas, toi, comment tu vois ça en série. Moi, je pense que c'est une équipe qui va être... Je les vois pas se rendre très loin, on sait jamais, là, mais je pense que c'est une équipe qui est embarrassante. C'est pas le genre d'équipe que tu veux nécessairement... Moi, je trouve que l'équipe qu'il faut regarder, c'est les Ravens de Baltimore dans la liste. Mais moi, j'ai dit que probablement ça va être Kansas City contre... Moi, j'ai mis Buffalo contre Green Bay. Kansas City. Écoute, je suis dans National, je suis un peu perplexe. Je ne suis pas sûr parce que je mets Green Bay aussi parce que le chemin des séries va passer par Green Bay. Puis comme on l'a vu avec les Titans là, deux semaines quand ils ont essayé d'aller jouer dans la neige à Green Bay là. C'est pas la même chose, hein? C'est pas le même sport. Non. Les autres, là, ils sont dans leur élément. Toutes les équipes de Dome, comme les Saints, mettons, les équipes qui viennent du Sud, comme les Buccaneers, à part Tom Brady, puis Antonio Brown, parce que les autres ont joué vraiment dans des climats comme ça, mais les autres joueurs de l'équipe, c'est toutes ces équipes-là qui s'en vont à Lambeau Field, c'est complètement différent. Puis ils vont en arracher, puis ça va donner un avantage. Puis on l'a vu. Les Titans n'étaient pas de taille à cause qu'ils n'étaient pas habitués de jouer dans la neige. Leur joueur de ligne perdait pied. Le gros joueur de ligne qui ont repêché l'année passée, en première ronde, Jeffrey Simmons, il a passé le match sur le dos. Il n'était visiblement pas capable de maintenir son équilibre là-dessus. Il avait probablement jamais joué un match de sa vie dans la neige. Alors, moi, je te dirais de ce côté-là, mais c'est. Comment je peux dire ça? Ça porte malchance de parier contre Tom Brady, surtout quand il joue comme présentement. C'est que je suis pas sûr. J'y vais avec je vais y aller avec les Packers, mais je me garde une gêne quand même des Buccaneers, on sait jamais. Les Bills jouent mieux que les Chiefs actuellement. Actuellement, oui. Par contre, les Chiefs sont pas encore dans leur mode de série. Ils ont perdu dans 11. Moi, honnêtement, je me pose la question si... je suis d'accord avec toi, c'est les Ravens qui sont épeurants présentement. J'avais aimé au début de saison Baltimore-Dallas. Oui, ça va. Baltimore, ça se peut. Baltimore, ça se peut. Dallas, ça se peut pas. ça va pas arriver. Mais c'est pas fou pareil comme prédiction là. C'est là qu'ils disent. Non, absolument. Il y avait l'équipe, mais c'est juste que ça a pas. Honnêtement, j'ai pas d'explication pour savoir pourquoi Dallas a aussi mal joué cette année. Mike McCarthy, ça a pas fait, puis finalement. Exact. Je pense que Jerry Jones est encore très présent. C'est néfaste. Oui. On se dit que Mike Nolan était le coordinateur défensif, était l'homme de Jerry Jones. Fait que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Mike McCarthy, quand il a accepté le poste, normalement, il aurait dû s'assurer d'avoir ses hommes. Normalement. Oui, absolument. C'est souvent ce qui se passe, mais. C'est bizarre à comprendre. Oui, juste peut-être un dernier point. Hier soir, les réseaux sociaux, la plus belle discussion de l'année. C'était vraiment le fun. C'est la situation de ce qui s'est passé dans le match. Je vais ajouter un mot entre les Eagles. Ils ont dit Earth du match, je pense, hein, c'est ça? Comment? Oui, ils ont tiré Earth du match. Ouais. C'est ça. Écoute, voici comment ça s'est passé. C'est un match en prime time. C'est le match de la journée, on s'entend. C'est le match principal de la journée. Si Washington gagne, ils sont in. S'ils perdent, ils sont out. Puis, dans tous les sports, tout le temps, dans ce genre de situation-là, quand on est à la fin du match, là, on parle pas là, d'un match entre deux équipes qui ont rien à gagner là, à la semaine 15 ou à la semaine 14. Là. On parle du dernier match de l'année. Jamais j'ai vu une équipe faire ce que les Eagles ont fait dans cette situation-là. C'est jamais arrivé. Pas dans cette situation-là. Je dis pas qu'il y a jamais d'équipe qui ont... Mais dans un match de cette signification-là, en prime time, à la télévision nationale, devant tous les autres joueurs, devant tous les entraîneurs, etc., tout le monde regarde le match. Et puis, le match est ultra serré au troisième quart. C'est 17-14 pour pour Washington. Les Eagles sont en position de faire un placement 4 et 5 quand même. Ils sont en position de faire un placement et puis dans un 4 et 5, on y va pour le toucher, qui est une décision qui est vraiment incompréhensible. Là. Alors là, tout le monde se demande, voyons, c'est quoi la crampe au cerveau de Doug Peterson? Évidemment, ça fonctionne pas. Et là, Al Michaels questionne, dit, voyons, je comprends qu'ils ont des analytiques, là, mais je comprends pas comment tu peux calculer que c'est le bon jeu à faire à ce moment-là. Et là, on s'en va au quatrième quart et surprise générale, on retire Jalen Hurts pour faire jouer Nate Sudfeld, qui est un réserviste de carrière qui en est à sa quatrième saison, qui a déjà joué. Ouais. On l'a déjà joué, on sait qu'il est pas capable d'être autre chose qu'un réserviste dans la NFL. C'est pas comme si on voulait vraiment l'évaluer. Là, je veux dire. Et là, il embarque sur le terrain et puis évidemment, je veux dire, il est absolument tout croche. Il lance une interception, il fait un ballon échappé. C'est absolument terrible. Là. Et les Eagles perdent le match. Et là, clairement, les Eagles n'ont pas essayé de gagner ce match-là. Tu sais, mais dans un match en prime time... déterminant pour le résultat de la saison. Déjà, t'enlèves ton carrière qui allait bien depuis qu'il a remplacé Carson Wentz. Là. Oui. Déjà, c'est louche un peu. Ça paraît bizarre un peu. Là. Oui. Puis ce que je veux dire, c'est que... Oui, puis c'est ton corps. Comment je peux dire ça? Tu sais, à la limite que t'aurais enlevé Carson Wentz pour faire jouer un jeune que tu veux évaluer, c'est une chose. Oui. Mais c'est pas ça. C'est que tu fais jouer un réserviste de carrière qui, tu sais, il n'y a pas d'avenir dans la NFL, là, Nate Sudfeld. Hein. Que t'as déjà fait jouer, puis tu sais déjà là, que c'est pas c'est leur Brian Hoyer, tu sais. Non, c'est leur Brian Hoyer, tu sais, c'est pas mieux que ça. Tu sais. Alors, écoute, ça accepte un débat, évidemment, ça appartient à Tony, puis pas dans le sens, juste pour les fans des Giants, mais dans le sens que c'est pour moi, c'est toute la crédibilité de la Ligue qui en a pris un coup incroyable hier, là. Tu peux pas tolérer une affaire comme ça, tu sais, c'est il y a pas de règlement comme décrit qui empêche ça, mais en même temps, je veux dire, c'est tellement anti-professionnel que Doug Peterson a fait, c'est tellement pas professionnel, c'est tellement quelque chose que moi j'ai jamais vu là, que je me demande s'il va y avoir des suites à ça, en tout cas peut-être pour la carrière de Doug Peterson, parce que déjà il gagne pas. Depuis que Frank Reich est parti avec les Colts, les Eagles, ça va pas bien. Là. Alors, lui, on s'entend, c'est lui, il gagne pas, puis là, il fait ce genre d'affaires-là. Je pense pas que sa crédibilité a augmenté, moi, hier soir. C'était très particulier comme situation. Ceux qui ont regardé le match, puis là, évidemment, après, ça a provoqué des discussions assez enflammées. C'était très intéressant. Des gens qui étaient d'accord, qui semblent dire, ben écoute, ils voulaient tanker, ils voulaient aller chercher un meilleur choix. Je comprends, mais faites peu subtilement comme ça devant la télévision, tu sais, dans un match de cette importance-là, que la NFL a pris la peine de placer comme son match principal de la journée. C'est un manque de respect envers les amateurs de football, on va dire ça de même. Dernier point que je veux te parler, oui. je viens de sortir là, le score là, pour les Bowls, donc le Big 12, 5 victoires qu'une défaite, Big 10, 3 victoires une défaite, le SEC 6-0, Pac-12 0-2 et le ACC 0-6. Ah oui, hein? Ah oui, moi, il m'a dit comme toi, ça a été une catastrophe pour eux. Je ne sais pas si à cause il y a tellement de bowls annulés, puis que si ça va Puis en plus, eux, ils ont terminé, là, leurs deux clubs se sont fait éliminer d'un série. Ouais. Il y avait deux équipes, puis les deux ont perdu. Eh hey boy, OK. C'est ça. On s'en parle vendredi. Non, vendredi, on s'en parle pas vendredi parce que on va s'en parler deux fois la semaine prochaine. On va se parler du championnat national et de la NFL. Excellent. Notre ami Hugues Fauché du site internet.